Injection verbale. Pac Sao. Venom. Déjà la fin de l'album. Mais t'inquiète, c'est peut-être le dernier morceau, mais ce ne seront pas nos derniers mots. Ça ne sera pas notre dernier flow. Bon, on cherche pas, on n'en fera jamais trop. Non, on a les crocs depuis l'intro jusqu'à l'outro. On t'attend sur scène au micro. On sait que les vrais nous écouteront. Car pour cet album, on a donné beaucoup de nous-mêmes et beaucoup de ronds. Ça crée des plaies, des cicatrices que seuls les années recoudront. Un rap sensé, parfois amer, avec un arrière-coup de goudron. On vient de faire péter leurs barrières et nous suivrons ceux qui voudront. On reste au front, front conscient qu'un camp combattant. Les choses se feront. Combattant, à coup de verbe, que les mauvaises idées cesseront. High, tant qu'on sera hal, les vieilles valeurs se rapprêteront. Elles sont faites, injection verbale, et jamais nous ne les oublierons. Jamais nous ne les oublierons. Toutes ces valeurs venues du rap pour marquer notre enfance. Notre enfance, on reprend le flambeau pour tous les quartiers de France. Quartier de France, high, injection verbale. Nomade, première dose. Pour faire ce premier album, on a eu pas mal de galères, des moments de doute et pas de salaire. Mais malgré tout, on en est fiers.